Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie délirante avec Ben Stiller. 5 comédiens partis pour tourner un film de guerre se retrouvent dans un camp d'entraînement militaire pour suivre une préparation au combat en plein conflit. Le héros de film d'action. Comment ça se passe, l'adoption? C'est très moyen. La star comique. Vous sauriez faire ce que je fais, vous croyez? Tiens, prends donc celle-là. L'acteur consacré. L'émotion est mon principal outil. Lazarus a suivi dernièrement un protocole de pigmentation de la peau en vue d'endosser le rôle du sergent afro-américain. Y a intérêt ! Ce sont des stars d'Hollywood. Tu crèveras pas pour les tristes. Vachement, vachement triste. Pardon, on peut couper ? On joue à quoi, là ? Bordel ! Mais le film qu'ils tournent ensemble... Ce sera le plus grand film de guerre qu'on ait jamais vu, et on va le faire ! Ouais ! ...va devenir une réalité. Ça fait drôlement vrai ! À qui tu le dis ? À nous d'opérer ! Et alors, on va crapahuter encore longtemps ? On est complètement paumés dans cette jungle ! Alors on rentre chez nous ! Sérieusement, vous allez plaquer le tournage ? Vous me trouvez le cul, les Blancs-Becs ! Quoi ? Qui c'est que t'appelles les Blancs-Becs ? On a remanié le scénar ? Tonnerre sous les tropiques. Tonnerre sous les tropiques. Ça décoiffe et on se marre avec ce DVD Paramount.